Les hommes de Dieu ont de ces enseignements même sans le savoir. C'est sur cette impression bienfaisante que se termina cet entretien, dont j'ai cru pouvoir rapporter utilement les quelques parties les plus générales. En passant le seuil de l'archevêché, j'emportai le sentiment d'avoir causé avec un admirable prêtre. C'est bien quelque chose, ainsi que me disait un vieux père de Terre Sainte, qui me montrait le paysage de Nazareth. Et après m'avoir raconté, je vois ses horizons chaque jour, et je me répète que c'est celui où notre Seigneur passait tout enfant. Oui, insistait-il, c'est bien quelque chose. Qui donc a écrit cette phrase profonde, où la sublimité du sacerdoce chrétien se trouve résumée? Dieu a donné le prêtre au monde, la charge du prêtre est de donner le monde à Dieu. Quelques semaines plus tard, j'étais dans le hall d'un des grands hôtels de la 5e avenue à New York. Au bureau des secrétaires, dépouille un courrier, parle au porte-voix, timbre des notes. Des hommes d'affaires lisent leur correspondance, le cigare aux lèvres. D'autres se pressent autour d'une petite table sur laquelle une jeune femme aux yeux intelligents, pâle d'un long travail sédentaire, frappe de ses doigts agiles les touches d'une machine à écrire. Ils attendent leur tour de lui dicter quelques lettres. D'autres personnes regardent si l'un des trois ascenseurs qui font la navette le long des 12 étages va descendre. D'autres poussent la porte du bar, dont on entrevoit, au fond, dans le reflet d'une glace, le comptoir entouré de consommateurs. Au milieu du hall, un homme cause. Une espèce de géant à l'ossature puissante, un de ces athlètes aux larges épaules, à la taille robuste, aux mains et aux pieds solides, où l'on dirait que la nature a mis plus de vitalité et comme employé plus d'étoffe. Il est coiffé d'un large chapeau mou en feutre noir. Mais le revers droit de sa redingote annonce qu'il appartient à l'Église, et son col violet qu'il y occupe une haute place. C'est Monseigneur Harryland, l'archevêque de Saint-Paul, que je suis allé vainement chercher l'automne dernier dans son diocèse du Minnesota. On ne me l'aurait pas nommé que je l'eusse reconnu, tant il est la figure visible de son éloquence. Sa grande face longue, tailladée de larges traits, est éclairée par deux yeux perses presque trop petits pour ce puissant visage très brun de ton. Le grisonnement des cheveux et des sourcils, jadis très noirs, décèle les 57 ans passés du prélat. Le menton très fort dit la volonté, le nez avancé dit la finesse. Le front a cette coupe un peu fuyante qui se remarquait chez Mirabeau et chez Gambetta, ces deux autres grands orateurs. La bouche est admirable de mobilité expressive. C'est une bouche éloquente et prenante, avec des lèvres larges qui annoncent la bonté. Il s'y creuse pourtant un pli amer. Malgré sa vaillance, l'archevêque a trop lutté pour n'avoir pas désiré quelquefois de prononcer le nunc dimirtis du croisé fatigué. En ce moment, il est tout attention et tout bonhomie. Je devais savoir de lui-même, quelques minutes plus tard, que le personnage avec lequel il causait ainsi, dans ce hall d'hôtel, était un reporter. « Je ne renvoie jamais un journaliste, me dit-il, après m'avoir expliqué ce petit trait de mœurs bien américain. Seulement je le préviens que s'il me prête des paroles inexactes, je ne le reverrai plus. C'est encore un trait commun, avec beaucoup d'autres célèbres orateurs, que la voix de l'archevêque soit gutturale, presque rauque. Un de ses admirateurs m'en avait prévenu. » Le début de ses allocutions est quelquefois pénible à entendre. Puis l'oreille s'habitue à cet accent. Lui-même s'échauffe, et le don de l'expression est si fort chez cet homme, né pour être tribun s'il n'était apôtre, que l'on finit par aimer jusqu'à cette âpreté dans le timbre de ses phrases. Quelques heures inoubliables j'ai passées ce matin-là, puis l'après-midi, puis un autre jour encore à l'entendre parler de l'Amérique, avec un patriotisme si profond, de la France, avec une sympathie si émue, de l'Europe, avec une impartialité lucide et supérieure. Je l'admirais en l'écoutant, la souplesse de cette intelligence dans laquelle il y a toute l'excitabilité celtique. Monseigneur Harryland est, comme l'indique son nom, d'une famille irlandaise. Toute la dialectique latine, il a été élevé au petit séminaire de Meximieux, dans le diocèse de Belley en France, et tout le réalisme d'un Américain issu de race ouvrière. Son père était un charpentier venu d'Irlande, en Minnesota, à une époque où la ville, dont son fils est archevêque, n'existait pas. J'écoutais cette souple et vivante parole passer des plus hauts sujets de théologie aux plus humbles détails d'activité pratique. L'archevêque disait comment, à une certaine époque, il avait dû, par ses conseils, diriger les semailles des immigrants de son diocèse, trop nombreux et trop ignorants pour que les concessions de terre qu'il leur avait obtenues fussent utilement exploitées. Puis il répondait à mes questions de psychologie compliquées sur la nature de la piété américaine, chez qui le mysticisme se traduit aussitôt en activité. Il me décrivait ses premiers séjours à Rome, sa solitude, la sorte d'étonnement effrayé dont l'entouraient les vieux cardinaux, et revenant à ce problème social sur lequel je l'interrogeais, comme j'avais interrogé Mgr Gibbons. « Nos ouvriers, me disait-il, non, je ne redoute rien d'eux. D'abord, ils sont bons, et même ceux qui ne sont pas bons ont du bon sens. Il y a dans l'américain, et du haut en bas de l'échelle, beaucoup plus d'esprit conservateur que ne se l'imagine l'Europe. Ce qui domine tout le monde ici, voyez-vous, les pauvres journaliers, aussi bien que les millionnaires, c'est le sentiment de la loi. Non, l'ouvrier américain n'est pas révolutionnaire. Il sent trop le prix de ce qu'il a pour rêver un ordre social absolument différent. Mais s'il accepte l'ordre qui existe, il veut s'y défendre. A-t-il si tort? Et il procède par association. A-t-il si tort encore? C'est dans la race, cela. Les gens riches s'amusent bien par club. Pourquoi les ouvriers ne s'organiseraient-ils pas pour se protéger en club à eux, qui sont les sociétés? Un grand pas a été franchi quand ces associations propres à chaque métier se sont elles-mêmes associées entre elles. Pourquoi non encore? Les chevaliers du travail se formèrent ainsi. À mon sens, et malgré d'inévitables excès, cela est bon. Capitalistes commencent à comprendre qu'il faut compter avec ces grandes forces collectives. Qu'arrive-t-il? On discute, et discuter reste encore le plus sûr moyen de se comprendre. Ainsi, cette année, les directeurs d'un chemin de fer de l'Ouest, dont je connais beaucoup le président, crurent devoir diminuer les salaires. Les bénéfices de la compagnie avaient trop baissé. Voici comment les choses se passèrent. Le président entra en conférence avec les représentants des mécaniciens d'abord. Ces pourparlers durèrent 4 jours. Nos gens demandèrent le pourquoi de la réduction. Ils examinèrent le bilan de la compagnie. Ils voulurent savoir à quel chiffre les affaires devaient remonter pour que le premier salaire fût rétabli. Ces pourparlers avec le président, une fois terminés, eux-mêmes durent avoir des conférences avec leurs camarades. Finalement, le corps des ouvriers ayant accepté la réduction, ce fut le tour des sérofreins, ou brakemen. Il vous faudrait avoir assisté à un de ces entretiens pour mesurer à quelle profondeur ce pays-ci est égalitaire. Mais voilà, l'homme d'affaires américain se trouve trop proche du temps où il était ouvrier lui-même, trop proche du peuple, pour ne pas savoir, quand il cause avec ses ouvriers, à qui il cause et ce qu'il doit leur dire. Ce sont des gens qui ne se croient pas de 2 races différentes, et c'est beaucoup. L'archevêque se tait. Il est sur le point d'aborder franchement un sujet pénible. À tous ces mots, j'ai senti frémir l'apôtre plébéien, et qui lui-même, voisin des humbles par son origine, comme ces hommes d'affaires dont il me parlait, se réjouit des progrès des travailleurs, et souffre de leurs erreurs. Il continue. Notre ouvrier pourtant est atteint de 2 graves défauts. Le premier et le plus grand, c'est l'intempérance, celle de l'alcool malheureusement. Car du vin, ils n'en boivent pour ainsi dire pas. Nous avons mené, et nous menons une campagne acharnée contre ce vice. Nous n'avons pas vaincu. Le second défaut, c'est la prodigalité. Notre ouvrier va trop vite. Aussitôt qu'il a de l'argent, il le dépense. Il veut que sa fille soit une dame. Vous entrez dans sa maison, vous y trouverez un tapis, un piano. Ce n'est pas qu'il soit bien sensible au luxe, mais ce même profond sentiment d'égalité le pousse à cet étalage aussi. Il lui semble naturel, presque nécessaire, que le luxe soit à la portée de tous. Alors, quand viennent les mauvaises années, il est pauvre et il souffre. L'assurance corrige un peu cela. D'ailleurs, à côté des prodigues, il y a les sages. Beaucoup arrivent à s'acheter un coin de terrain pour s'y bâtir une maison. Voyez l'exemple de Philadelphie. Et tout de suite à côté, un coin de terrain sur lequel ils spéculent. Voilà pourquoi la haine du capital n'existe pas chez nous. Et puis, nos ouvriers sont chastes et ils sont religieux. On me dit qu'en Europe, le concubinage est le fléau des classes pauvres. Rien de pareil parmi nos populations. Je résumerai leur vertu d'un mot. La meilleure espérance de l'Église est ici dans les ouvriers. Tous ceux qui sont catholiques sont pratiquants. Vous les verrez communier à Pâques, presque sans exception. C'est cette ferveur du peuple qui nous donne cette opportunité magnifique dont je parle toujours. Cet immense pays est si neuf, si dépourvu de préjugés, et il éprouve de plus en plus de besoin de cet ordre dans l'unité, la marque propre de l'Église catholique. Le grand problème, pour que cette unité se manifeste, c'est qu'il y ait vraiment une Église catholique américaine. Et d'abord, unité de langue. Or, beaucoup de nos fidèles sont des immigrants, des Allemands, des Polonais, des Canadiens français. Ils nous arrivent ne parlant que leur propre langue, et avec des prêtres qui ne parlent eux aussi que cette langue. Le danger est réel. Si nous imposons l'anglais dans nos diocèses, ces prêtres risquent d'être sans fidèles, et ces fidèles sans prêtres. Il faut pourtant forcer les uns et les autres à l'apprendre, cet anglais, pour que notre Église ne se disperse pas, en une série de chapelles locales, et aussi pour que nous ne puissions pas être accusés de demeurer des étrangers dans le pays. Mais quoi ? C'est un effort à exiger de la première génération, et la seconde sera composée de catholiques vraiment américains. Ici encore, nous avons dû combattre. Les Allemands ont adressé une pétition à Rome pour obtenir qu'il y eût des évêques de langues différentes et dans un nombre proportionné à la nationalité des immigrants. Or, sur 10 millions de catholiques, plus de 3 millions sont allemands. Un tiers des évêques ont donc été allemands. C'en était fait de l'unité de notre Église. Heureusement, les pétitionnaires ont mêlé la politique à leurs demandes. Ils ont insisté sur l'intérêt des puissances européennes à ce partage. C'était touché au patriotisme des Américains, qui se sont inquiétés, et nous avons vaincu. Ah, notre avenir est vaste, bien vaste, à la condition que nous soyons profondément, résolument américains et démocrates. Nous avons besoin de trois choses. De bonne humeur, nous les avons. De fidèles, l'immigration nous en apporte sans cesse. D'intelligence, nos universités et nos séminaires vont nous en donner, toujours davantage. Mais entendez bien, ce n'est pas l'intelligence d'hier qu'il nous faut, à nous comme à vous. C'est celle d'aujourd'hui, celle de demain, celle du XXe siècle. Et tandis que l'archevêque semblait voir déjà de ses yeux clairs ce lendemain triomphant, pour lequel il a donné toute sa vie, heure par heure, je me souvenais du cri qu'il a poussé dans la cathédrale de Baltimore, et dont toute notre conversation n'est qu'un commentaire. Le Christ a fait du problème social la base même d'un enseignement, car voici la preuve qu'il a donnée de sa divinité. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les pauvres sont évangélisés. Un de mes amis français, à qui je lis le résumé de ces deux conversations, hoche la tête. Il y a 10 ans que ses fonctions le retiennent à New York. Il connaît bien les États-Unis, et il les croit menacés, sinon d'une catastrophe, à tout le moins de troubles immenses. Je dois ajouter qu'il est naturellement pessimiste, très hostile à la démocratie, et qu'il vit dans un état de colère permanente contre le positivisme de la société américaine. « Oui, je voudrais les tenir ici, vos deux archevêques, me dit-il, après quelques instants, et leur mettre seulement sous les yeux ces documents, en leur demandant de me les expliquer, et avisant un des cartonniers de son bureau. Il en tire quelques fiches les unes après les autres. Ce ne sont pas des idées et des phrases, cela, ce sont des faits, et ce sont des chiffres. Je les ramasse pour un grand livre que je n'écrirai peut-être jamais. Et comme ils sont tous empruntés au rapport publié par le Labour Bureau depuis 10 ans, ils sont bien incontestables. Nous sommes en janvier 1894. Eh bien, à la fin de décembre dernier, il n'y a pas 20 jours, l'enquête officielle constatait que dans les seuls États de New York et de New Jersey, le nombre des ouvriers sans travail s'élève à 223 250. En Pennsylvanie, ce nombre s'élève à 150 1500. Calculez, et vous ne serez pas au-dessus de la vérité, qu'il y a ainsi dans ce pays-ci plus de 800 000 désoccupés. Comme on les appelle. Additionnez les 2 millions de femmes et d'enfants qui constituent leur famille, et vous arriverez à cette conclusion qu'à l'heure présente, et par ce terrible hiver, la Grande République, ce paradis du prolétaire, compte sur son sol 3 millions d'êtres humains qui meurent littéralement de faim. Et l'on veut, que je ne crois pas, à une révolution prochaine, quand de pareilles armées de désespérés sont là, prêtes à suivre le premier agitateur qui sera les soulever. Ajoutez que tous ces affamés sont enrôlés dans quelque association, et qu'à côté d'eux grouille une autre armée presque aussi misérable, celle des ouvriers de moins en moins payés, et à qui le travail est rendu presque intolérable par suite de l'universelle dépression des affaires. Voici d'autres chiffres empruntés à la même liste officielle. Vous les trouverez, et quantité d'autres aussi concluants dans le livre que la fille de Karl Marx, je crois, Madame Avellan et son mari, ont publié sous ce titre « The Working Class Movement in America ». A Fall River, par exemple, et dans les grandes manufactures de coton, les gages moyens de l'ouvrier sont de 9 dollars par semaine. Cela lui fait 1 dollar et demi par jour. Tandis que dans New Jersey, cette moyenne s'abaisse à 1 dollar 25. Et dans le reste des États-Unis, à 1 dollar. Au premier regard, ces chiffres semblent plutôt élevés. Et c'est en les faisant miroiter que certains économistes vantent le bonheur des classes laborieuses en Amérique. Mais pour apprécier ce que valent en réalité ces 6 ou 7 francs gagnés chaque jour, il faut dresser une petite table comparative du coût de la vie dans les différents pays. Le loyer moyen d'un ouvrier américain lui coûte 67 dollars par an, c'est-à-dire plus de 340 francs, tandis que le loyer moyen d'un ouvrier suisse lui coûte 25 dollars, c'est-à-dire à peine un peu plus de 125 francs. Et celui d'un ouvrier allemand, 22 dollars, c'est-à-dire environ 110 francs. L'ouvrier américain dépense pour son chauffage à peu près 30 dollars, quand l'ouvrier suisse en dépense 20 et l'allemand 10. Et tout est en proportion. Ces gages qui paraissent suffisants, considérés du point de vue de l'Europe, ne représentent pas de quoi soutenir une famille. Le travail des femmes et des enfants est la conséquence de cet état de choses. Et cette exploitation-là est plus dure encore. Tenez, voici d'autres chiffres. À Philadelphie, les chemises de femmes sont payées 60 cents, ou 60 sous, comme vous voudrez, soit 3 francs la douzaine. Les tabliers de nourrice, 35 sous. De ces tabliers, une ouvrière fait à peu près 2 douzaines dans sa journée, en travaillant depuis 5h30 du matin jusqu'à 7h du soir. Des femmes plus instruites, celles que l'on emploie à ce clerical work, il n'y a guère de mots exacts pour exprimer ce travail de bureau, gagnent de 5 à 6 dollars par semaine. Là-dessus, elles ont à payer leur chambre, leur blanchissage, et à se tenir élégamment pour ne pas perdre leur position. Quant aux enfants, ce sont des statistiques navrantes. Dans le Connecticut, sur 70 000 ouvriers, 5 000 ont moins de 15 ans. Sur 100 employés des fabriques de cigares dans New York City, 25 sont des enfants. Or, le travail des manufactures de tabac est de 10 heures par jour. Dans celle de coton, il est souvent de 11. À Détroit, les petits garçons des usines travaillent 9h16 minutes et les petites filles 9h10. Notez que ces exemples sont pris dans des États où l'on s'est occupé de la législation du travail. Maintenant, conclut-il en refermant ses papiers, si vous voulez que ces renseignements de statistiques s'animent pour vous, vous avez 3 petites expériences à faire, toutes simples, et qui vous ne tiendront pas éloignés de votre hôtel, plus de quelques heures chacune. Demandez à un directeur de journal qu'il vous donne un reporter pour vous accompagner dans les bas quartiers de New York. Pendant le jour, première visite. Puis le soir, seconde visite. Puis dans les pénitenciers des îles, troisième visite. Vous apercevrez le déchet de cette civilisation dont les fastuosités vous ont d'abord ébloui. Et peut-être jugerez-vous que je n'ai pas si tort en protestant contre l'optimiste des 2 grands évêques à qui vous avez demandé quelques idées sur les classes ouvrières aux États-Unis. Comme à beaucoup de gens de cœur, les rêves de leur bonne volonté leur cachent la hideur du réel. J'ai suivi le conseil de mon compatriote, quoique les documents cités par lui ne m'eussent pas produit une impression bien profonde. J'ai trop étudié déjà les problèmes sociaux pour attacher une importance sincère aux enquêtes officielles. Elles valent les enquêtes révolutionnaires, c'est tout dire. Les unes et les autres procèdent par chiffres extrêmes, et somme toute, la preuve que la société actuelle est viable, c'est qu'elle vit. Elle comporte d'affreuses misères qui tiennent à des causes trop multiples pour que le remède à ce déchet de civilisation, comme disait mon ami, soit jamais formulé avec certitude. Chaque fois qu'on a essayé d'appliquer à cet organisme infiniment complexe des mesures de réformation radicale, on a surajouté les injustices du désordre et ses malheurs aux malheurs et aux injustices du sort. Les révolutionnaires ont pourtant raison d'exagérer les faits trop odieux et ces brutalités d'écrasement qui constituent ce que l'on doit appeler le péché social, notre péché à tous. Ils empêchent nos égoïsmes de s'endormir, soit qu'ils nous épouvantent dans notre sécurité, soit qu'ils nous émeuvent dans notre humanité. Et ils provoquent les remèdes de détail, les seuls qui aient d'abord adouci un peu le lot des victimes de la trop dure concurrence. Je ne regrette donc pas les 3 excursions dans les dessous de New York, entreprises à la suite de ces entretiens. Quoique de pareilles expériences soient bien superficielles, je crois y avoir gagné une vue plus exacte des données parmi lesquelles se prépare l'avenir de ce pays sans analogue. Les heures employées à ces 3 visites furent courtes, et les détails que j'y pus saisir limités. Le lecteur jugera par les pages du journal où j'ai consigné sur le champ chacune de ces expériences, et si je me suis trompé en attachant quelque importance à leur signification. 13 janvier. Vers midi et par un jour d'hiver, cruellement froid, nous montons, M. K. et moi, dans un des cars verts de Broadway, qui marche encore avec des chevaux. En 20 minutes, nous avons quitté le New York que je connais pour un New York que je ne connais pas. Les blocs succèdent aux blocs, bâtis d'une façon plus incohérente encore dans cette partie que dans l'autre. Celle où je débarquais voici 5 mois. Nous changeons de voiture au coin de la première avenue pour descendre après 20 autres minutes et suivre à pied une longue rue tout en maisons dégradées. Au sous-sol d'une de ces maisons, un escalier plonge qui nous conduit dans une sorte de petit office. Une cloison de planches sans papier et sans peinture le divise en 2 chambres. L'une sert de salle d'attente, l'autre de bureau. C'est ici l'agence centrale d'une de ces associations d'ouvriers qui foisonnent aux États-Unis. Celle-là, toute récente, a été fondée par un jeune homme qui se tient en ce moment dans le bureau. Je l'appellerai Bazarov. du nom de l'étudiant nihiliste dans Le Père et Enfant de Turgenev, ce qui ne sera pas en contradiction avec les propos que nous échangeâmes durant cet étrange après-midi. C'est un juif russe de la partie qui touche à la Pologne, venu à New York il y a 6 ans, et agitateur de profession. Il est assez beau, avec de longs cheveux très blonds, qui bouclent autour d'un visage très pâle. Les yeux à fleur de tête sont glauques et rayés de minces filets de sang, dans leur partie blanche. Sa voix qui grasseille a moins d'accent étranger en français qu'en anglais. Cette dernière langue est pour lui une acquisition toute récente. Il la parle avec la facilité extrême qui convient à sa double origine. Il est slave et il est sémite. Ce personnage inquiétant nous a prié de nous asseoir après nous avoir regardé de ce regard habitué à chercher l'espion possible, qui est celui de tous les militants du socialisme. Cependant, il est bien en règle avec les lois, et le brevet qui l'autorise à fonder son association s'étale sur le mur, au-dessus de la table, à côté d'une petite affiche rédigée en hébreu et marquée d'une tête de mort, avec des os en sautoir. Sans doute, il n'aperçoit rien en nous qui justifie le soupçon, car il continue de dépouiller sa volumineuse correspondance du matin, mais cette fois avec une vaniteuse coquetterie de diplomate très occupé. Il lit des noms, dicte des rendez-vous, s'étonne de ne pas connaître celui-ci ou celui-là, consulte son secrétaire. Ce dernier, un homme de 40 ans, de mise sordide et de mine chafouine, est en train de compter 50 sous à un ouvrier qui tend docilement un livret rouge avec une espèce de passivité hargneuse. Le secrétaire échange avec ce sinistre client quelques mots en langue allemande, puis il parle russe avec son chef, et j'avise sur la table une pile de brochures, destinées à la propagande. C'est la traduction anglaise d'un ouvrage de l'italien Mazzini, The Duties of Man, les devoirs de l'homme. Je l'ouvre au hasard, et j'y trouve un chapitre sur Dieu. Voilà d'où le parti révolutionnaire s'est élancé. Pour arriver où leurs journaux le disent trop clairement, ce qu'ils ne disent pas assez, ce qu'un pareil endroit rend perceptible et comme concret, c'est la mixture internationale, l'étonnante fusion de races que représente ce parti. C'est un des coins de Cosmopolis que je retrouve ici, un des faubourgs, une banlieue plutôt de cette cité des cités, qui eut pour fondateur des raffinés comme le prince de Ligne, Lord Byron, Madame de Staël, Goethe, Bell et Henri Heine. Ces grands artistes et ces grands seigneurs ont demandé à l'expatriation et au voyage de quoi mieux goûter le charme composite de la vaste civilisation moderne. Les socialistes actuels demandent à la vie cosmopolite le moyen de mieux détruire cette même civilisation. C'est une preuve de plus que nos habitudes et nos milieux ont justement le sens et la valeur de nos âmes. Bazarov a fini son dépouillement, et il sort avec nous pour aller à la police. Nous devons prendre là un détective qui nous accompagne dans notre visite au bas quartier. L'agitateur a exprimé lui-même son désir que nous fussions protégés, et lui avec nous, contre un danger qui se trouve être bien imaginaire. Ce petit détail montre mieux que tous les discours combien ce parti de la destruction sociale, qui nous semble à nous autres conservateurs, si uni dans sa haine de l'ordre établi, est réellement divisé dans son fond. Notre guide a peur d'être malmené par des ouvriers qui appartiennent à une autre secte. Il marche d'un pas qui, à lui seul, sur un des trottoirs de cette ville de hâte, révèle l'étranger, un pas flâneur, qui va sans but, sans hâte, sans précision. Il porte un paletot sac dont les pans descendent plus bas en avant qu'en arrière, à cause du poids des livres qui bourrent les poches. Avec son chapeau souple et déformé, sa chemise de flanelle, son pantalon élimé, il me rappelle les bohèmes de la littérature qui foisonnent dans les cafés du quartier latin et de Montmartre, leur indifférence au monde extérieur, leur incurie agressive, et leur intoxication de l'idée, de la parole surtout.